se couche le cœur de Caroline. À la page du Paris pas cher, à l'ordre du jour ordinaire. Dans le miroir des comme du scoop en toc, à la place des plastiques en stock. Elle s'imagine papier glacé au paradis des Vanessa. Elle lance un sourire enlacé, bonbon sucré comme dans Biba. C'est la plus sexy de sa classe, on lui donnerait presque 16 ans, mais c'est pour des vieux dégueulasses qu'elle gaspille ses premiers. Leurs vieux passeports sont game over. Elle s'imagine une nouvelle vague au paradis des Vanessa. Elle sait tout faire pour la drague, même si maman ne le sait pas. C'est la plus sexy de sa classe, on lui donnerait presque 16 ans, mais c'est pour des vieux dégueulasses qu'elle gaspille ses bras. Sexy de sa classe, on lui donnerait presque 16 ans, et c'est pour des vieux dégueulasses qu'elle offre ses premiers.